Hör auf, nach dem Sinn zu wandeln, sondern fang an, nach dem Geist zu wandeln. Et arrête de marcher à travers les cinq sens et la chair, mais commence de marcher à travers l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. In Isaiah 26, verse 3, say what? Praise the Lord. Well, I want us to go there because of some fields that are new, that those in Nigeria. Amen. Mm-hmm. Because people always believe that everything is just by prayer, mm-hmm. especially in Africa, Nigeria. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. They believe in so much. Everything is just prayer, ja, Leute, prayer. Wir glauben so oft, dass alles immer nur ums Gebet geht. Mm-hmm. Surtout en Afrique, les gens pensent que tout est résolu à travers les prières. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. A little child does not need to fast and pray before the father gives or the mother gives him or her food. Ein Kind kann auch fasten. Or buy winter shoes. It's just a relationship affair. Schuhe und Jacken gegeben werden. Es ist eine Beziehung. Aus der Beziehung heraus wird dieses Kind versorgt. Et un petit enfant n'a pas besoin de faire des jeûnes de prière pour avoir des chaussures ou bien en jaquette, non, tout est fait à travers une relation avec les parents. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The father that lives with you and you live with him, mm-hmm. Amen, knows where you need things. Mm-hmm. He knows what you need. And he is the provider. Mm-hmm. And not just, not you, as a little child, mm-hmm. before him. Und ein Vater, der mit dir zusammenlebt, der weiß, was du brauchst und wann du das brauchst und nicht und er ist dein Versorger. Amen. Et Dieu qui est ton père, il sait, il est complètement conscient de des choses que tu as besoin. C'est pas toi la personne qui doit prendre soin de toi-même, c'est Jésus-Christ qui le fait. Here in Isaiah 26, verse 3, God kind of prayer. Talk about God kind of prayer. He said, Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. You see, how to have peace. Whose mind? The question is, what do you allow to occupy your mind? Die Frage ist, yes, no? Was lässt du deine Gedanken? Is it that him or the flesh or Satan? Ist es Jesus Christus oder das Fleisch, der Satan? Isaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc ça montre que tes pensées sont très importantes. Et tu dois te demander de quoi, bien avec quelle chose tu laisses tes pensées être remplies. Est-ce que c'est soit Jésus-Christ ou le diable? Is that because he trusted in thee? Weil es auf dich vertraut. Parce qu'il se you trust en toi. Die Frage ist, was traust du ihm? La question, est-ce que tu lui fais confiance? If you trust him, you will rest. Denn wenn du ihm vertraust, wirst du dich ausruhen. Et si tu lui fais confiance, là tu vas te reposer. Praise the Lord. Hallelujah. Your worries mean you don't trust him. Deine Sorgen bedeuten, dass du ihm nicht vertraust. Tes soucis montrent que tu ne fais pas confiance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What Christ called peace. Was Christus Frieden nennt. In John 14, verse 27, we say, my peace I give unto you, not as the world giveth. Amen. Amen. Religion, they give peace. They give, you know, they want to have peace by prayer. Johannes 14, the kingdom of heaven is your mind state on him. 27 sagt peace. Jesus, ich gebe euch einen Frieden, den diese Welt euch nicht geben kann, den diese Welt nicht kennt. Et dans Matthieu, on a écrit, Jésus-Christ nous dit qu'il nous donne sa propre paix, la paix que le monde ne peut pas nous donner. Mais la question est, est-ce que tu... Yeah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 15, verse 11, he talks about his joy. It's all kind of joy. Und seine Art von Freude. His word gives us joy. Sein Wort gibt uns Freude. Et dans Jean, Jésus-Christ parle go to de John 15. Johannes 15. Dans Jean 15, Jésus-Christ parle de sa joie. Praise the Lord. Hallelujah. John 15, verse 11. John 15, verse 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Praise the Lord. Hallelujah. That your joy, my joy should be your joy. Mm. Meine Freude soll eure Freude sein. Meine Freude soll eure Freude sein. Amen. Amen. If, you know, he said, these things have I spoken unto you. My words should give you joy. Meine Worte sollen euch Freude geben. quand Jésus-Christ dit que sa propre, ses paroles doivent nous donner la joie. Mais, through my word, you have my joy. Durch mein Wort habt ihr Freude. À travers ma parole, vous avez la joie. Amen. And my joy that you now have become your joy. Und meine Freude, die and you have it in full. Habt ihr vollkommen, habt ihr zur Fülle, mm-hmm. in Fülle. Mm-hmm. Et si vous avez ma joie, c'est là où donc Jésus-Christ écrit, il a écrit ici, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Remember where we read today in Luke 11. He told that woman. Mm-hmm. Amen. What he said to that woman that was praising the flesh. Mm-hmm. Was er zu der Frau gesagt hat, die das Fleisch gepriesen hat. Mm-hmm. Et vous, on vient de lire ce que Jésus-Christ a dit à la femme qui a loué la chair. He said, hearing my word and obeying it is mm-hmm. how you are blessed. Mein Wort hören und es befolgen, so seid ihr gesegnet. Das sagt er zu ihr. Mm-hmm. Jésus-Christ a dit, si vous écoutez et vous obéissez à ma à ma parole, c'est là où vous êtes béni. Amen. Amen. Amen. In marriage, for example. In the Ehe zum Beispiel. Par exemple, dans au mariage. Even in burial. Selbst bei einem Begräbnis. Wenn si une personne est enterrée. Amen. Amen. The pastor joining a couple together. Ein Pastor, Amen. The blessing is not coming from the pastor. Mm. It's coming. It should come from the Lord. Dieser Segen kommt nicht vom Pastor, sondern es muss vom Herrn kommen. Et si il y a deux personnes qui sont en train de se marier, on doit savoir que la bénédiction ne vient pas du pasteur, mais ça vient de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Your parents pray for you is not a blessing. Deine Eltern für dich beten, das ist kein Segen. Et que tes parents prient pour toi, c'est pas une bénédiction. Amen. Amen. A pastor joining you together is not what Christ called marriage. Dass ein Pastor euch zusammenbringt, das ist nicht das, was er Ehe nennt. Sondern das, was er zusammenbringt, das ist Ehe. Et ce n'est pas seulement parce qu'un pasteur vous a ou bien vous a uni, ça ne signifie pas que ça vient de Jésus-Christ. C'est seulement quand Jésus-Christ vous unit pour être femme et mari, c'est là où c'est béni par Jésus-Christ. You know, when people die, they look for a priest to come and pray for them so that they can now go to heaven. Wenn Leute after sterben, death is judgment. Gibt es Menschen, die no priest can take you to mm-hmm. heaven. Nach dieser Absolution bitten. Sie suchen sich einen Pfarrer, der für sie betet, damit sie kurz zu ihrem Tod in den Himmel schaffen, sozusagen. Aber es, kein Priester kann das für dich tun. Et il y a aussi des gens qui appellent des pasteurs pour que cet pasteur prie pour la personne qui est morte. Mais la Bible nous dit que après la mort vient le jugement. Amen. There is no repentance in grief. Im Grab gibt es keine Buße mehr. Et après la mort, il n'y a pas la repentance dans le cercueil. Il n'y a pas la repentance dans le cercueil. Amen. How can you be with the family you have never been with? Wie kannst du jetzt einer Familie zugehörig sein, bei der du niemals warst? Et comment tu peux faire partie d'une famille que tu ne connaissais pas? Praise the Lord. Amen. Please allow it to be the blessing of the Lord. Lass bitte zu, dass es der Segen des Herrn ist. Et permet que ce soit la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Amen. And not the blessing of any parents. Und nicht der Segen von irgendwelchen Eltern. Et pas la bénédiction d'un parent. Amen. Amen. The Lord said we should seek the meat that never perish. Der Herr sagt, wir sollen nach der unvergänglichen Speise suchen. Et l'Éternel nous dit qu'on doit chercher la nourriture qui ne périsse pas. Amen. Amen. Seulement les choses of the Lord that is forever. Seulement les choses des Herrn, die sind für immer. Seulement les choses de Dieu sont pour toujours. But if that of the flesh is just temporary, das vom Fleisch is even working. Ist aber zeitlich. Is even doing anything. Auch wenn es funktioniert, dennoch ist es zeitlich. Et les choses de ce monde sont vanité. Amen. Même si ça marche pour toi, mais ça sert à rien parce que c'est seulement pour un quelque temps. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, if you have any question, you can quickly ask them. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.